Chapitre 9e. Une soirée bien douillette. Les quatre amis se retrouvèrent enfin seuls dans le logement d'Anicet. Armande s'était assise près de Corentin et Manon à côté d'Anicet. Ils souriaient benoîtement, car inconsciemment ils sentaient qu'outre la libération de Corentin, quelque chose de prodigieux venait de se produire. « Que va-t-on faire maintenant ?» demanda Armande en dévisageant ses trois amis. « Eh bien, répondit Anicet, nous allons vivre et nous aimer. Ça me paraît être un bon programme, non ?»« Vivre et nous aimer, oui, » remarqua Manon. « Mais comment ?»« Je suis bête ou j'ai mal compris ce qui s'est passé. Dis-moi, » demanda-t-elle à Anicet en lui prenant la main. Corentin se leva car ce qu'il voulait dire lui paraissait important. « Eh bien, la situation me paraît claire maintenant. Nous ne nous sommes pas trahis. Nous n'avons pas pratiqué l'adultère, du moins pas nous. » ajouta-t-il en regardant Armande. « Nous non plus, » affirma Manon. « À part se prendre la main et se regarder toute la journée, » dit-elle en riant, « nous n'avons fait de mal à personne. »« Alors ça n'est pas compliqué. Armande va venir vivre avec moi et toi, Manon, tu vas t'installer chez Anicet. Ça ne changera rien à nos habitudes de travail. Simplement nous vivrons selon nos penchants, voilà. » « Et le mariage, Corentin, qu'est-ce que tu en fais ? Nous allons quand même vivre en situation d'adultère complet. » « Mais non !» se récria Anicet. « L'adultère, c'est quand on s'aime à l'insu de l'autre, en cachette, quand on lui ment. Mais pour nous, il n'y a pas eu de tromperie. Nous ne ferons plus semblant et nous vivrons pleinement notre amour. Disons que nous nous sommes mal mariés, voilà. Et puis, » dit-il en enserrant la taille de Manon, « moi, j'ai hâte de rattraper le temps perdu. »« Tu vois comme tu es !» s'offusqua Manon en se dégageant. « Nous parlons sérieusement, là !»« Mais je suis sérieux, moi, très sérieux. Pas toi, Corentin ?» Armande, qui gardait toujours son calme dans les discussions, avança une idée. « Le mariage est indissoluble, vous le savez. Mais si aucun d'entre nous ne va se plaindre à qui de droit, que risquons-nous à vivre en concubinage ? D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens s'imaginent déjà que Corentin est mon mari et que Manon est l'épouse d'Anicet. « Bon, » conclut Anicet, « nous allons faire comme cela, nous verrons bien. » Personne n'avait avalé la moindre bouchée depuis le matin et la faim commençait tout de même à les tenailler. Manon partit acheter du pain pendant qu'Armande se mettait à éplucher des légumes afin de mettre une soupe au feu. En attendant qu'elle cuise, ils allaient essayer de rattraper un peu le retard pris dans leur travail. Revenant du boulanger, Manon se plaignit. « Le pain a recommencé à augmenter. Je me demande si ce que me raconte le boulanger est vrai. À croire que la farine a tout d'un coup augmenté, comme ça, hop, pendant la nuit. » Le prix élevé des denrées avait été la principale cause des soulèvements dès 1788. Les quatre amis se demandaient toujours si, finalement, cette cause de désordre n'avait pas été savamment orchestrée par ceux qui comptaient en tirer bénéfice. Depuis des siècles, certains profitaient dans l'ombre de la variation du prix des denrées. Ils n'hésitaient pas à la provoquer quand elle ne provenait pas des conditions climatiques. Le malheur des uns faisait le profit des autres, personne ne l'ignorait. À part les fermiers généraux, décriés dans tout le royaume, il était difficile d'identifier les véritables acteurs du trafic. En politique, c'était la même chose. Chaque crise, chaque trouble, voyait surgir sur le devant de la scène des hommes qui s'érigeaient en sauveurs, alors que souvent, dans l'ombre, ils avaient auparavant joué les bouts de feu. Mirabeau en était un excellent exemple. Il avait exploité à fond la fièvre révolutionnaire, choisissant le clan du tiers dont il n'était pas issu. Revenant des chaudes journées de Paris où il avait joué un rôle important, il s'était fait acclamer à Marseille et à Aix comme un dieu salvateur. Tout bien considéré, on comprenait qu'il avait surtout œuvré, certes avec brio, pour ses propres intérêts, et pour se venger de la noblesse provençale qui lui avait fait chèrement payer sa conduite dépravée avant la Révolution. Cet homme était un sujet permanent de discorde entre les deux amis. Corentin voyait en Mirabeau un opportuniste rusé, alors qu'Anicet ne tarissait pas d'éloges sur un homme hors du commun qui avait forgé la Révolution. Vers 6 heures du soir, on arrêta le travail pour économiser la chandelle dans les ateliers. Manon avait mis à la broche un gros poulet et Corentin avait sorti une bouteille de vin du comtat dont il promettait des merveilles. La journée avait été féconde en événements et méritait qu'on la fêtât dignement. Après quelques gorgées de vin, la bonne chaleur de la cheminée aidant, les deux couples se sentaient dans un état de béatitude qu'ils n'avaient plus éprouvé depuis leur tendre enfance. Ils parlaient peu, se regardaient beaucoup, sans cesser de sourire aux anges. À la fin du repas, on frappa discrètement au volet. « Qui ça peut-il être à cette heure ?» s'étonna Anicet. « Des gosses, peut-être ?» émit Manon. On frappa encore de nouveau, 4 coups espacés. c'est Hyacinthe, je reconnais sa façon de frapper, affirma Corentin. Il se leva et alla entrebâiller le volet. Il reconnut effectivement leur voisin du début de la rue, cordonnier de son état. Hyacinthe avait beaucoup d'affection pour les quatre amis qu'il invitait souvent, pour briser un peu sa solitude. Son épouse étant morte en couche, il ne s'était pas remis d'avoir perdu d'un coup sa femme et son fils. Depuis, il vivait seul et à la quarantaine ne comptait pas refaire sa vie. Anice ouvrit la fenêtre et Hyacinthe s'y accouda. La société des amis de la religion et du roi va être déclarée en mairie. C'est Guiramand lui-même qui me l'a dit, je l'ai vu dans mon échoppe. Il avait un gros bouton blanc à son chapeau. Capon de Dieu, il n'a pas froid aux yeux celui-là. La cérémonie d'ouverture aura lieu dimanche. La ville commence à remuer, les amis. Comme tout le monde ne le sait pas encore, je voulais vous prévenir. Et que crains-tu ? Demanda Corentin. Demain, c'est mardi, jour de marché. Les gens ont autre chose à faire que de s'occuper de Guiramand. Mais non, au contraire ! S'écria Hyacinthe. Le marché amène toujours des paysans d'alentour, et on sait bien que c'est parmi eux qu'il y a le plus de réfractaires à la Constitution. Moi, je n'ouvrirai peut-être pas mon échoppe, on ne sait jamais. Et toi ? Dit-il en s'adressant à Corentin. « Ils t'ont libéré. Ah, c'est bien. » L'allusion à la libération de Corentin rappela à Nicée une idée que la soirée lui avait fait oublier. Il décida de la mettre en œuvre tout de suite. « Hyacinthe, entrez bien boire un coup à notre santé à tous. » Le cordonnier eut un bon sourire de reconnaissance. Il enjamba la fenêtre et prit place près de la cheminée. « Écoute, Hyacinthe, Corentin a été libéré, mais ce n'est que partie remise. Émeric David nous l'a bien dit. En fait, toute l'affaire repose sur le témoignage de Jeanne Larieux. Elle est allée raconter qu'il y avait du monde dans ma cave, poursuivit Corentin, des aristos que j'aurais cachés. Et bien sûr, ça n'est pas vrai, poursuivit Hyacinthe. Corentin et Anicet échangèrent un regard d'intelligence. Anicet hocha la tête en signe d'assentiment. Si, Hyacinthe, c'est vrai, avoua Corentin, mais ce n'est pas moi qui les ai cachés, c'était Larieux, évidemment, sans m'en parler. Il a soutiré des écus à ces gens. Et comptait me faire chanter pour ne pas me dénoncer. Donc tu l'as tué pour qu'il ne parle pas, c'est ça ? Corentin décida de tout expliquer à Hyacinthe. Autant lui dire la vérité, car s'il décidait de l'aider, comme Corentin l'espérait, il valait mieux qu'il sût tout pour ne pas risquer de se couper. Merde ! Et vous l'avez laissé comme ça, derrière le palais, pourtant ! Vous n'avez pas froid aux yeux. Et toi, Boric, tu aurais fait comment ? Dis-moi. Je ne sais pas. D'abord, moi, je ne l'aurais pas tué. « Mais je te dis qu'il s'est tué tout seul, Miladius, tu étais star !» demanda Armande, elle était là. « Ah oui, c'est vrai, tu me l'as raconté. Excuse-moi, mais cette histoire m'a tourneboulé. En plus, avec ce club de Guiramand, je vois tout de travers maintenant. »« Écoute, Hyacinthe, » dit Anicet, « laisse tomber Guiramand et occupe-toi de nous. Corentin a besoin de toi, si tu ne veux pas le voir se balancer au bout d'une corde. Jeanne t'aime bien, je le sais, surtout quand tu lui payes le coup à boire. » Il faudrait que tu la persuades que dans la cave il n'y avait personne, elle l'a rêvé. Son mari lui a peut-être demandé de faire de la soupe, mais ce n'était pas pour la donner à des gens enfermés dans la cave. Et les écus ? Objecta Hyacinthe. Tu diras qu'ils proviennent d'un vol que Larieux a commis chez des bourgeois, et puis tu lui feras comprendre que si elle se conduit comme une bonne fille, elle pourra en récupérer une partie, déclara Corentin. Ah bon ? S'étonna Nicée. Tu es sûr de ça ? Bah écoute, ma tête vaut bien quelques écus. « Qu'est-ce que tu en penses, Armande ?»« Je me vendrais pour toi s'il le fallait, » répondit la jeune femme. « Tu le sais, mon aimé. » Les quatre amis laissèrent à Hyacinthe le temps d'intégrer ce qu'on lui demandait. Il finit par secouer la tête comme pour aérer son cerveau et dit enfin « Bon, d'accord. Mais c'est bien pour vous quatre. Parce que la mère Larieux, elle m'aime bien. Surtout maintenant qu'elle est veuve. Mais moi, je l'aime pas. Pas du tout. Elle boit. Et je la soupçonne de ne pas être très propre. » « Ton sacrifice n'en aura que plus de prix, » plaisanta Nicée. « Ah, et puis regarde, » ajouta-t-il en posant devant Hyacinthe le faitout de terre. « Tu lui rendras ça. Tu lui diras qu'elle l'avait oublié sur le rebord de sa fenêtre. Tu crois qu'elle va avaler cette couleuvre ?» s'étonna Corentin. « Mais oui, au bout du troisième verre, certainement, » affirma Nicée. Hyacinthe regardait fixement le fond de son verre. Manon le resservit, croyant qu'il n'osait demander à boire. Soudain, il déclara, comme s'il sortait d'un songe. « Et qui vous dit que ce n'est pas elle qui l'a tué et qui l'a volé ? L'argent, elle l'a peut-être caché quelque part. Et d'abord, est-ce que Larieux avait bien des écus sur lui ?» Tourné vers l'âtre où elle ravivait le feu, Armande laissa tomber. « Il n'avait rien sur lui, les amis. » Cette remarque surprit tout le monde. « Ah, et comment tu en es sûr ? Tu n'en sais pas plus que nous, s'étonna Nicet. Si fait. Quand nous l'avons descendu de l'escalier, je l'ai fouillé pour voir s'il n'avait rien de compromettant contre nous, un billet ou autre chose, je ne sais pas. Il avait deux poches dans sa vareuse et une à son pantalon. Elle ne contenait rien du tout. Il a dû cacher l'argent quelque part chez lui. Il faut aider la mère Larieux à fouiller partout. Chacun comprenait que si les écus étaient retrouvés, le principal mobile du crime tombait. On conclut que pour aider Hyacinthe à entreprendre Jeanne, Anicet devait aussi s'y mettre. Ce dernier eut l'idée de porter à la femme une bouteille de vieux marc qu'il avait dans sa resserre. En s'y mettant tous, sauf Corentin, on finirait bien par obtenir d'elle quelque chose. « Il y a tout de même un problème, les amis, » fit remarquer Corentin. « Si on montre les écus au commissaire, il les confisquera et la mère Larieux risque de nous faire un coup tordu, de revenir sur sa déclaration, par exemple. Ah, si on pouvait bénéficier du témoignage des Morel, cela me sortirait d'affaire. T'es, il se ferait un plaisir de se faire emprisonner rien que pour te sauver !» s'écria Anicet. « Là, tu rêves, mon béot. » « Bon, » dit Hyacinthe, tapant sur ses cuisses avant de se lever. « Je vais vous quitter. Demain va être une dure journée. »« Ah, Anicet !» fit-il avant de sortir. « Tu devrais mettre une grille à ta fenêtre. Ça protège mieux qu'un mauvais volet. » Les deux couples passèrent une nuit faite d'assauts, de victoires, d'abandon et de plaisirs prolongés. Pourtant, au matin, ils étaient frais et guilleraient. Les deux femmes partirent au marché voisin, leur panier sous le bras. Elles n'échangèrent que peu de mots, tout juste quelques regards complices. Elles étaient toujours restées très discrètes sur leur vie amoureuse, et leur nouvelle situation ne les inclinait pas à parler des prouesses de leur nouveau partenaire. Au marché, une certaine effervescence régnait. Partout, les mêmes mots étaient prononcés. On parlait de complots, d'anti-révolutionnaires, de clubs, de guerre civile, d'attaques contre la Constitution, mais surtout de Pascalis et de Guiramant. Pourtant, Pascalis, depuis son discours du 27 septembre, ne s'était plus montré et s'était retiré dans la Bastille du Sieur Mignard au Pinchina. Sans qu'il eût prononcé une parole ou fait la moindre apparition en ville, on parlait de lui et presque toujours en mal, le rendant responsable du climat de tension actuel. D'aucuns étaient persuadés que depuis son repère, il tirait les ficelles d'une sombre conspiration. Après tout, pourquoi avait-il prophétisé autant de malheurs sur la Provence et parlé de tels châtiments à venir? C'était donc bien qu'il était au courant d'un complot et qu'il y participait. Telle était l'opinion de la majeure partie de la ville. Devant l'étal d'un maraîcher, un gros homme ventripotent expliquait, à grand renfort de gestes, les risques qu'allait générer l'ouverture, dimanche après-midi, de ce club du Café Guyon. Ce club sera une base avancée de la coalition royaliste qui prend racine en Italie. Il va préparer le terrain aux régiments qui vont venir nous réduire à merci. Jusqu'ici, nous avons eu moins de troubles qu'à Toulon, Marseille ou Avignon. Si on laisse le champ libre aux ennemis de la Constitution, c'est la porte ouverte à la guerre civile. Nous allons nous entrégorger sur le cours. Moi, je vous le dis, termina-t-il en menaçant le ciel de son doigt levé. Mais, citoyen, qu'est-ce que tu veux qu'une poignée de nobliaux fasse contre la majorité des gens de la ville ? Répondit le maraîcher d'un air goguenard. Et puis on a bien le droit d'être d'un avis contraire. Certes, mais on n'a pas le droit de prendre les armes contre la nation. Et qui a parlé d'armes pour l'instant ? Reprit le maraîcher. S'assembler dans une salle n'a jamais tué personne. Armande écoutait attentivement la conversation pour se faire une opinion. Soudain, Manon, sans prévenir, s'immissa dans le débat en s'adressant au maraîcher. On s'assemble, on discute et on tire des plans pour passer à l'action le moment venu. « C'est ce qu'essaie de t'expliquer ce citoyen paysan. Tu ne comprends rien à rien. »« Si, » répondit le maraîcher en colère, « je comprends que tu devrais être en train de fourbir tes casseroles, drôlesse. »« Drôlesse toi-même, grande dépendeur d'andouille. Explique-moi pourquoi tu vends tes haricots secs plus cher que la semaine dernière. C'est pourtant le même sac et ne craignent pas le gel, eux. Ne dis rien, tu aurais tort. »« Ça t'arrange bien qu'il y ait la mouise. Ça te permet d'augmenter tes prix, brigandasse, va. »« Oh, fan de pute !» rugit le maraîcher en menaçant Manon de sa balance romaine. Armande jugea bon de tirer Manon en arrière pour prendre la tangente. On ne gagnait rien à se crêper le chignon pour des causes pareilles. Mais elle reconnut que Manon avait raison. D'ailleurs, plusieurs commères approuvèrent du geste et de la voix. Lorsque les deux jeunes femmes quittèrent le marché, vers 10 heures, elles remarquèrent que l'affluence avait grossi sensiblement et était supérieure à la fréquentation ordinaire du marché. « Pourquoi tant de monde aujourd'hui ? » demanda Armande. « Je ne sais pas. Mais ça ne me dit rien qui vaille tout ça. »